Chapitre 160. L'exhortation devant la tombe. 945. Ali, radiallahu anhu, rapporte. Nous assistions à un enterrement au Baqi' al-Gharqad, le cimetière de Médine, lorsqu'arriva le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il s'assit et nous prîmes place autour de lui. Il tenait à la main un bâton à tête recourbée avec lequel il grattait la terre tout en baissant la tête. Il dit « La place de chacun d'entre vous est déjà inscrite, soit au paradis, soit en enfer. » Les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, ne devons-nous pas alors nous en remettre à notre destin ?» Il répondit « Alayhi salatu wassalam, au contraire, agissez, car à chacun sera facilité ce pour quoi il a été créé, son entrée au paradis ou en enfer. » Et il cita le hadith en entier. Al-Bukhari et Muslim.